De qui parlez-vous demain? C'est la chance au coureur. Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89.1 FM cette semaine en pouce-pouce. Ouf! Bonjour Denis Janvier. Salut Mathieu. Yes! Bonne semaine, t'as-tu écouté plein de trucs là? Non. Non, et toi? J'ai écouté plus que ça, mais pour La Chance au coureur, j'ai écouté deux albums, dont Imico, l'album électronique, et l'album du groupe... Québécois, même presque trifluvien, Madcaps, donc cette semaine, qui était en entrevue la semaine passée, je pense, à Art d'ici. Oui, ils ont été aussi à l'émission Jazz à frontières, il y a deux semaines, je crois. Donc, j'ai écouté ça, Madcaps, avec plaisir, et je vous en parle tantôt. Et si je me rappelle tantôt, je vais essayer d'aller chercher le CD de Malajube, parce que c'est une nouveauté, tout le monde l'a écouté, on a fait le tour de l'histoire, mais on veut quand même en passer quelques pièces, parce que c'est des gros canons, puis je sais que vous voulez réentendre la pièce Montréal moins 40, vous l'aimez comme nous, ici. Comme surtout toi. Hein. Comme moi, j'aime bien ces temps-ci. Mais on va commencer l'émission par un nouveau simple de Christophe Mali, Le premier amour, et on en reparle au retour à La Chance au coureur, à C'est fou 89.fm. Toujours le dernier, le vieil adage au parfum démodé, she's so lovely sur la pointe des pieds. J'ai longtemps hésité, le premier amour est toujours le dernier, la première gorgée si dure à ravaler. Passe les scènes, s'envolent les années. Je vous ai regretté. Impossible à effacer. Difficile à oublier. Le premier amour est toujours le dernier. Vierge de passion, épris de liberté. Au bord du chemin, après des années, je me suis arrêté. Le premier amour est toujours le dernier. Trop vive blessure qu'on a laissé passer. Vous revient au galop, je suis le cavalier. Je suis venu vous chercher. Impossible de refuser. Difficile à éviter. Le premier amour est toujours le dernier. Mamie, ma forêt, mon élixir sacré. La vie fait son œuvre, ranime les regrets. Vous m'avez tant manqué. Le premier amour est toujours le dernier. Fidèle, sauvage, à mon âme est lié. La peur du vide fait tout recommencer. Je suis venu vous chercher. Impossible de refuser. Difficile à éviter. Le premier amour est toujours le dernier. Le vieil adage au parfum démodé. She's so lovely sur la pointe des pieds. Je suis venu vous chercher. So lovely sur la pointe des pieds. Je suis venu vous chercher. She's so lovely sur la pointe des pieds. Je suis venu vous chercher. Christophe Mali avec Le premier amour, extrait de l'album Je vous emmène, qui sort le 20 mars 2006 à La Chance au coureur, à C'est fou 89.1 FM. Mon nom est Mathieu Plante et on découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou cette semaine en pouce-pouce. Donc, pour connaître tous les liens, allez voir les informations sur les artistes, allez voir lechance.cif.ca, lecifou.ca/chance, et vous pouvez nous téléphoner au 376-5183, le 819-376-5183. Revenons un peu sur Christophe Mali. Oui, Trio a un lien, quoi qu'on aurait pu peut-être l'entendre en écoutant la pièce, ça paraissait. Donc, quelques jours avant Noël, Trio illumine Montréal avec trois spectacles à guichet fermé au Métropolis. Cette célébration entre le groupe français et le public québécois est également la dernière pour un temps, puisque les membres de Trio s'émancipent dans différents projets. Première échappée, justement, c'est celle de Christophe Mali, dont la sortie du premier disque « Je vous emmène » se profile pour le prochain printemps. En guise d'apéro, le chanteur nous lance deux rendez-vous en spectacle dans la province, c'est-à-dire ce vendredi 17 février à 21h à Québec à la Galerie Rouge et le samedi 18 février 2006 à 19h à Montréal à la 5e salle de la Place des Arts. Né en 1976 en banlieue parisienne, auteur, compositeur et interprète, c'est au théâtre que Christophe Mali fait ses premières armes. Dès 14 ans, il participe aux cours et aux ateliers d'improvisation théâtrale de sa banlieue. Pendant 6 ans, il enchaîne les rôles dans diverses créations, dont Raskolnikov dans « Crime et châtiment » de Dostoïevski et « Le chant du cygne » de Tchekhov. Hein, Danny? Ah, bien sûr. Raskolnikov. Plus tard, Christophe Mali rejoint la compagnie Zarina Khan, tout d'abord comme participant aux ateliers d'écriture et de jeu. Avant d'y prendre part comme acteur, il tourne à la cartoucherie de Vincennes, puis dans toute la France, en Allemagne et en Grèce. Depuis 2002, Christophe Mali compose des chansons pour Olivia Ruiz, Jean-Guy Denis et met en scène les spectacles du groupe Face à la mer et de Gérald Gentil. Voilà. Donc, pour les informations, christophemali.com, christophemali.com. C'est malheureusement un single, on n'aura pas la chance donc d'entendre une autre pièce de ça. Dommage. Mais ce qu'on va avoir la chance d'entendre, par exemple, c'est Malajub. Hein? Malajub. L'album s'appelle ça s'appelle Trompe-l'œil. C'est cela. C'est eux autres qui ont copié les Trompe-l'œil. Ben ouais, on attend l'album des Trompe-l'œil, là. Je sais pas si c'est parce qu'ils savaient pas qu'il y avait un groupe qui s'appelle Trompe-l'œil. Puis surtout, comme je te dis, c'était supposé de sortir au mois de février-mars, le prochain album des Trompe-l'œil. Donc, ça, peut-être, comme tu disais, l'album des Trompe-l'œil s'appellera Malajub. J'aimerais ça. Ça serait une bonne idée. C'est vraiment pas fait. Donc, je rappelle que pour nous contacter en studio 376-583 ou chance.cif.ca, tout de suite, on écoute Montréal moins 40 de Malajub à la chance au coureur à CIFU 89.1 FM. La radio campus de Trois-Rivières. J'accuse, je leur compte la manche, je cours, mais je cure Montréal, est tellement froid. écoutez La Chance au coureur sur les ondes de C'est Fou 89.1. Ouais, FM, vous savez, FM. Jus de cabbage. Mais là, Jules. Le Vous osez écouter La Chance au coureur à CFU 89.1 FM avec Denis Janvier et Mathieu Plante. Ce qu'on vient d'entendre, c'était Jus de canneberge, qui est l'intro de leur album qui s'appelle Trompe-l'œil. Hein? Oui, qui est bien apprécié ici à CFU. Absolument, et on va même oser encore entendre une troisième pièce. Ah oui, donc. Ben, tu sais, l'autre comptait pas, c'était une intro. Là, petite pièce. Très petite pièce. On écoute La Monogamie tout de suite à La Chance au coureur à CFU 89.1 FM. Je perds tes inconsciences, sans dans une autre vie. jus de Malajube avec la pièce La Monogamie à la chanson coureur à C'est fou 89 hein. Tu laisses patienter les gens. Là. L'album s'appelle Trompe l'œil et on continue sur la même lignée de jus de quelque chose parce qu'on se rappelle que sur leur album précédent il y avait eu jus de citron et puis là celui-ci il y a un jus de canneberge et sur leur site web il y a des citrons et du jus de citron. Donc Malajube, ça vient de là j'imagine. Ils sont fruités. Ils sont très fruités. Malajube débute il y a environ 3 ans de l'association ludico-musicale de 4 gars de Montréal épris de musique et de tout ce qui vient avec. Ensemble, ils ont créé un quatuor pop-rock qui a, et là, je lis sur leur site, qui a littéralement pris d'assaut la scène rock indépendante depuis la sortie de leur tout premier opus. Avec une sonorité oscillant entre le rock, le punk et la pop bonbon, Malajube se distingue avec des textes francophones, intelligents et soignés, des guitares abrasives, une basse virulente, des claviers nerveux et une batterie déchaînée. Résultat, une musique rafraîchissante et survoltée, représentative de la fougue qui caractérise ce groupe inclassable. C'est selon le malajube.com, donc évidemment biaisé. Le groupe est pas si pire, ça peut pas dire ça. T'sais. Donc Malajube, l'album Trompe-l'œil, excellent. Ça s'annonce très bien pour eux, en tout cas. Ah oh, oui, non, c'est clair, là, en ce moment, ça va bien, on les entend partout. Et ils parrainent plein de trucs de musique émergente en ce moment. On les a vus, c'est eux qui ont fait la une du nouveau journal Bang Bang T'es mort. Bangbangtesmort.com. Ouais. Ouais, ouais. Ils vont être le mardi 14 février à Montréal, donc à La Tulipe, sur Papineau. Et le 15 février à Montréal au Théâtre National. Ça continue comme ça le 17 février au Sepsum, le 21 février encore à La Tulipe. Et allez voir les dates sur le malajube.com. Qu'est-ce qu'ils font à Trois-Rivières? C'est le lancement de leur album. C'est ça l'annonce qu'on a sur nos autres. Oui, au Maquisard. Au Maquisard, belle place. Belle place. Oui, belle place. J'aime bien ça de même. Donc maintenant, entre mes mains, j'ai Surfer Igno, qui est un nouveau groupe québécois apparemment. Hein? Je lis ça comme ça, là. Je vais aller voir sur leur site web pour voir des informations, là. Mais en gros, on retrouve Jean-François Beauregard, Hugo Bertium, Jérôme Campbell et Frédéric Fortier dans ce groupe-là. Et on va l'entendre les deux premières pièces, parce que la première est une intro qui s'appelle Prélude au party, et la deuxième c'est Le party. Donc voici Surfer Igno, ici à la chanson coureur sur C'est fou 89.1 FM. Hein? À chaque fois, c'est inévitable, je pense. FM. On va se tanner un jour. Surfer Igno, restez là les petits amis. On écoute une autre pièce de Surferino. Voici Magnum à la chance au coureur. À venir, le bloc Oreo et Cheese Whiz. À la chance au coureur. Bon retour à la chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89.1 FM cette semaine en... Je m'en souviens pas, c'était en pouce-pouce. Ah, mais c'est ça, c'était pas assez... c'est une bonne idée, un pouce-pouce, comment? Ouais, mais si tu t'amènes... Ton pouce-pouce en ce moment, là, il gèle dehors. Ouais, c'est pour ça que Roger et Bruno Montembeau-Poisson, il a bien de la misère à amener nos CD à chaque semaine à cause de ça, à cause des différents véhicules qu'on le force à utiliser. J'aime son nom, par exemple. Je me rappelle même plus ce que j'ai dit. Roger Bruno Montembeau-Poisson. Oui. Je sais même pas si c'est des vrais noms. C'est lui. C'est lui, ben ouais, avec la couette de cheval puis la barbe grise. Les cheveux bien courts en avant. Les yeux père, la coupe longueuil, c'est ça? Père et vitreux. Et la bédaine? Un petit peu plus grosse que la mienne, mais pas bien. Ouais, puis il y a des sideburns. Oh, oui. Des favoris. Puis il y a un beau nom. Ok, c'est assez pour la joke. Donc maintenant on est rendu au bloc Oreo, j'oublie mes jokes. Oreo ketchup et cheese whiz. Oreo cheese whiz, c'est ce que je voulais dire. Non, ça c'est le bloc où on passe des choses qu'on n'est pas sûr que ça va être très très bon. Pas sûr. On l'essaye. Ouais. Fait que on va faire ça. Ensuite on fera la biographie de ce Free New parce que je trouve ça important. Donc on va commencer moi, par. Moi tu partes avec là. Vu qu'on vient des ententes. Non, je sais. Peut-être mieux avec la bio. Je suis un petit peu mêlé dans mes affaires aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On s'amuse quand même. Mais oui. Ce Free New interprète et compose des pièces instrumentales habituellement constituées de plus de 4 accords. Le quintet utilise une instrumentation rock à base de guitare nasillard avec peu de distorsion et de rythmes variés avec des percussions. Le répertoire de reprises de ce Free New contient plus de 75 morceaux de musique vocale et instrumentale et rend hommage entre autres aux Ventures. Ce Free New et son équipe donnent des prestations publiques en plus de composer et d'enregistrer des thèmes musicaux. Donc, ils ont participé à plusieurs projets et groupes. La liste est sur leur site web au surferinho.com, surferinho.com. Allez voir notre site à la place parce que l'adresse est difficile. C'est lechance.cif.ca. Ils sont prêts à participer à des pyjama parties, des bar mitzvahs, des concerts en plein air et des opéras rock et des comédies musicales. Ils sont prêts à tout. Ils sont à vendre. Donc, ils s'appellent Surferinho et je crois qu'on va sûrement réentendre ça. Ouais, c'est très bon. J'aime bien ça. Ouais. Mais le vrai moment, celui qui dans l'ordre devrait arriver à peu près ici, c'est un bloc de musique qu'on sait pas si ça va être bon ou pas. Ça s'appelle le bloc Oreo Cheese Whiz pour cette semaine. On commence par Pauline Croze. Ça pourrait être bon, on sait pas. Ça pourrait. On sait pas, ça pourrait être bon. Moi, quand j'ai entendu Pauline Croze, je pensais que c'est l'actrice là, qui a gagné les prix. Ouais, Marie-Josée Croze. C'est Marie-Josée Croze, c'est pas la même. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait être mauvais aussi. Parce que si ça avait été Marie-Josée, j'aurais donné une belle chance. Oh, oui. Donc, Pauline Croze, tout de suite. Et restez là, à la chanson coureur, on va voir si c'est bon. Si c'est bon, ça va jouer jusqu'à la fin. Si c'est pas bon, ben vous allez le voir parce qu'on va revenir en nombre. Ouais. Oh yeah. T'es beau, parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un jusqu'à maintenant, Dan? Bah, moi personnellement, c'est sûr que je déteste, mais bon, c'est pas super. C'est pas mauvais, donc on la laisse aller. Bah, c'est pas mauvais. Pour tout commentaire, critique ou insulte, le 376-5183, si vous voulez qu'on la coupe, eh bien, appelez-les. Pauline Croze, t'es beau. Ah, et merci, je parle, merci, ah. Merci à Dieu. Écoutez, la Pauline Croze. J'ai beau me dire qu'au fond, c'est mieux, même si c'est encore douloureux. Je n'ai pas de recoin silencieux. C'est beau parce que c'est orageux. Avec ce temps, je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armée, sans haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent. Pauline Croze. Ouais, elle a eu sa chance. Elle a eu sa chance. Elle a joué quelque part. Ouais. Avec la pièce T'es beau. La chance au coureur. Vous êtes avec Danny Janvier et Mathieu Plante. On découvre les nouveautés musicales ici à C'est fou. As-tu vu, personne n'a appelé, fait que c'était pas si pire que ça. Ça n'a pas été si pire que ça. Ou personne nous écoutait. Bah. Oh, c'est même pas vrai. C'est cliché, ça. Je sais, tout le monde dit ça, c'est même pas vrai. C'est pas vrai qu'on n'ait pas écouté. Je sais. C'est du monde qui nous dit « Hey, t'aurais pas dû dire ça » ou « Hey, c'était drôle ça ». C'est parce qu'il y a du monde qui écoute. Probablement. Donc, aussi dans notre bloc Oreo Cheese Whiz, cette semaine, on a reçu un nouvel album de Jean-Claude Saint-Pierre qui s'appelle « L'homme de la rue ». Lui, par exemple. Lui, en le regardant, par exemple, tu sais que ça va être mauvais. Moi, je le chiffrerais en partant. On va écouter un maximum de 30 secondes. Mais l'album « L'homme de la rue », porte-parole de la Mission Old Brewery. Une partie des profits de cet album ira à cet organisme, donc ça, c'est bien. Hein? Hey, j'aurais un appel à faire encore, quoi peut-être. Non? Pour les gens qui se souviennent, je me souviens plus du groupe, je l'ai sous bout de la langue, mais c'est qui faisait la pièce « L'homme de la rue ». Ça, c'est des années l'homme début. De la... C'est l'homme de la rue. Je pourrais quasiment te la chanter. J'aimerais en tout cas. C'était à Dollar à Clip que t'as vu ça. Ben non, mais moi, non? Je l'avais vu dans le temps à genre, je sais pas comment ça s'appelait, l'émission de vidéo le samedi soir, là. Okay. Mais je sais que Louis-José Houd en a fait jouer. Je me rappelle plus trop. Peut-être même que M. Lefebvre pourrait peut-être même me rappeler. En tout cas, c'était vraiment du méga quétaine. C'est vraiment au début des années 80, genre 83. Et ça s'appelait l'homme de la rue. Ça, je suis sûr que c'est aussi quétaine. Ben lui, en tout cas, si on regarde la photo en arrière, il y a un beau petit oiseau sur son bras. Ça dit ici que Jean-Claude Saint-Pierre, le troubadour rebelle, nous raconte les histoires de sa vie, de la vie, avec des paroles et des mélodies qui resteront dans notre mémoire. L'amour et le quotidien l'inspirent. Il a mis 10 ans pour découvrir sa sonorité, un son teinté de tous ceux qu'il a entendus à travers le monde grâce à ses autres passions, la photographie et la vidéo pour les magazines de mode et de voyage. Jean-Claude est un intemporel dans un monde bien à lui. Son site web est au quartzartiste.com, quartzartiste.com, /JCST, trait d'union Pierre. Et à noter, il sait parler aux animaux. C'est Monsieur Doolittle. Docteur Doolittle. Il est docteur maintenant. Oh, oui, c'est clair. Il y a des pièces comme « Aux îles de la Madeleine »,« Chut comme chut », »,« Petite fleur »,« Prendons le bateau »,« Douce vie », et la pièce titre qu'on écoute, ou au moins un extrait tout de suite, « L'homme de la rue ». C'était le show, je pense, le groupe qui faisait ça, je viens de me rappeler. De quoi? Ça s'appelait « Le show », le nom du band qui faisait « L'homme de la rue ». Bon, ben, on va essayer de trouver ça, mais on va faire jouer ça. Donc, voici tout de suite « L'homme de la rue » de Jean-Claude Saint-Pierre, tout de suite à la chance au pouvoir. Avec commentaires bonus, comme un DVD. Ça a peut-être été excellent. L'univers, okay, ou peut-être pas aussi. Je t'appelle, ouvre mon destin de la, ton la, aide, la, doucement c'est vers bon, hein? Moi, tends-moi la main. Là, c'est parce qu'il est en train de charmer un oiseau. Il charme un oiseau en ce moment. Ou un serpent, tu sais. Avec merci! Ok, on a notre c'est assez? Ben, je sais pas. Attends, je vais écouter une autre pièce par contre. Bon, je vais écouter la pièce Les 4 saisons. Check bien, la seule personne qui va appeler, ça va être lui. Il va appeler pour dire hey, oh! Peu de vie. On écoute ça 10 secondes? On écoute ça 10 secondes. Vent glacial, oui, c'est l'hiver qui nous amène son manteau blanc. J'aime voir danser tous les flocons en dessous du lampadaire. Tu vas voir danser les flocons, toi? Comment? Voir danser les flocons sous le lampadaire. Pas fou, hein? Ben oui, c'est poétique pour vous. C'est bon, ça? Ben non, c'est pas bon. Bon, hein, mais là, c'est pour me le dire. Moi, là, je suis pas un fanatique. Ben non, mais on le voit bien que c'est pas bon. Bon, merci, c'est fait. Jean-Claude Saint-Pierre et son nom et l'album s'appelle L'homme de la rue, porte-parole de la mission Old Brewery. Une partie des profits de cet album ira à cet organisme. Je crois que c'est le nom de l'album complet. Pour eux autres. Donc, l'argent. Ce que j'ai fait pendant la pièce, en me prévoyant un petit peu, j'ai préparé l'album de Omnichrome. Ça, c'est mauvais. T'es-tu sérieux? Non, essaye-le, tu vois, je l'ai écouté, je pense. Ok, ben Omnichrome, l'album c'est genre s'appelle... genre du hip-hop ou du rap, ça. Ouais. Ça va être bon, vous allez voir rester des nôtres. Ouais, ben il va falloir rester des nôtres d'un petit bout parce que le lecteur va le faire encore. Mais l'album, deux... ça... je sais, mais il faut qu'il s'éjecte pendant ce temps-là. Dans il veut pas 3, s'éjecter. Il est ouvert, là. Dan, l'album veut pas s'éjecter de la, de, du... Ah, du, il veut rien savoir. En tout cas, je vais quand même vous en parler pour qu'on puisse le faire jouer plus tard si on peut, si le disque se décide de sortir. Donc l'album s'appelle FM2 24 pouces glacés. Et c'est classé dans le rap. Donc, je sais pas. Si c'est classé dans le rap, ça pourrait être très, très facilement mauvais. Le vlog qui sort. Très facilement mauvais. On écoute la pièce Brille, brille pour vous, produit par T-E-P-R. Il y a même des featuring là-dessus. Featuring. T-P-R, faut-tu dire ici. Non, T-E-P-R. Taper. Taper. Featuring Taper. Ah, attends une minute, là. Mais m'en faire de quoi avec ça? Je veux pas jouer, finalement. Mais c'est ça. C'est, je m'excuse de vous faire ça à la maison, de vous faire attendre. Mais non, mais Omnichrome veut pas jouer. Omnichrome ne peut pas jouer? C'est ça qui arrive. On va jouer autre chose d'abord. Je pense que c'est ça qui arrive. Bon, ben on va faire jouer d'autre chose. On vient avec Dan, t'as un disque, même si je sais que t'es pas prêt. Je te demande demain. On peut faire. Est-ce que tu serais prêt pour de l'électronique ou du rock? Mets-moi ça rock, voir. Ouais, on va te faire ça rock. Ouais, parce que l'électronique, deuxièmement, ça fait bien. Parfait. Donc, on met ça rock. On écoute une pièce. Tu nous en parles avant? Non, on va écouter une pièce. La pièce 6 Higher de l'album High, justement, de Madcaps, qu'on écoute à l'instant la chanson pour voir. Tout de suite, à CQ 89.1 FM. Caps à la chance au coureur avec la pièce Higher, sortie de leur tout nouvel album qui s'intitule High, justement. Et faut le dire, Madcaps, qui est un groupe originaire, dans le fond, de Trois-Rivières. Et ça me fait rire parce que dans le document de presse, eh bien, on dit qu'ils carburent à l'adrénaline et à l'euphorie et à l'exploration musicale. Les Madcaps d'aujourd'hui a bien peu en commun avec celui qui, en 98, émergeait des souterrains trifluviens. Donc, c'est bien dit. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand ils disent souterrains trifluviens, c'est aussi littéraire parce que les premiers shows des Madcaps étaient dans le célèbre Trou, qui était un bar sous terre, finalement. Ah. Et c'est ça qui est drôle. Et moi-même, j'ai vu Monsieur Pellerin, qui est le leader, le fondateur de ce groupe Madcaps, avec des prestations mémorables, même dans les polyvalentes. La polyvalente Chavigny, pour ceux qui étaient là dans les années 90. Fin 80, début 90. Donc, c'était tout un show, disons. Et Monsieur Pellerin nous en avait donné pour notre argent. Il est arrivé sous complètement dans une école secondaire. Ouais. Disons que ça avait brassé pas mal. Et eh bien, ça reflète leur attitude totalement rock. Et on sait que Fred Pellerin est le producteur de Caïman Fou. Ah non, je savais pas ça. Plusieurs des premiers musiciens de l'école de Mad Caps étaient des Trifluviens. Maintenant, ils sont rendus. Il y a seulement Monsieur Fred Pellerin qui est de Trois-Rivières, mais qui habite à Montréal. Donc, ils ont fait des shows, plus de 500 shows à travers le Canada. Ils ont vraiment joué partout. Et même, justement, comme M. Pellerin le disait lui-même, ils sont plus connus à l'extérieur du Québec qu'au Québec même. Là, ils ont une nouvelle mouture, des nouveaux musiciens. Et on sait, par exemple, j'ai lu que les compositions, la plupart des compositions, je dirais même à 60%, ont été faites avec les anciens musiciens, dont Dominique Laroche, qu'on connaît bien ici à Trois-Rivières, qui a joué dans plusieurs formations, qui joue maintenant avec Pagliaro. Et Steve Hill dans son band, justement. Et puis, cet album-là, eh bien, c'est beaucoup plus rock et pop que le premier. Le premier était vraiment funk. Là, maintenant, cet album-là, vraiment rock, vraiment pop. Très soul aussi. Il a été masterisé à New York, cet album-là. Monsieur Pellerin a fait masteriser par des pros. Le premier avait été masterisé à Los Angeles, donc qui s'appelait Wall World. Excusez-moi. Wall World. Vous aimez mon anglais en plus. Ah, j'adore mon anglais. Wall World. Je sais, tu me le fais remarquer assez souvent. Donc, eh bien, c'est ça. Cet album, moi, j'ai bien aimé. Très, très rock. Si vous aimez justement du vieux, je sais pas, Jimi Hendrix, ces trucs-là, ce qui est un peu 70, vous allez adorer. Comment il s'appelle? J'ai un blanc, en tout cas, peu importe. Ça me fait penser à cette musique-là, mais j'ai pas le nom du band. Donc, c'est un groupe à découvrir, je pense. On a entendu ici un peu assez fou. J'espère qu'il y aura l'occasion d'être remis par d'autres. Et puis, c'est ça, en gros. Moi, je dis de vérifier dans votre coin de pays. Allez sur le madcaps.com parce que vous allez avoir des shows sûrement dans votre coin. Il y a des shows qui sont à Montréal, Ottawa, Timmins, Thunder Bay, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Banff, Fernies, OBC, Vancouver, Kamloops. Donc, c'est sûr que ça va jouer. Allez voir Madcaps. On voulait écouter une deuxième pièce, mais... Est-ce que tu veux l'écouter quand même? On vient d'entendre en fond, mais c'est pas grave. Ben, ça aurait été bien d'écouter une deuxième pièce, oui. Ouais, parce que... Je choisis une autre que la septième, parce que celle qu'on entend. Ben, en on fond, prend la première pièce, qui s'appelle A Better Watch Out. Donc, à la chance pour on écoute ça tout de suite. Oh, that she's so loved. Watch Out du nouvel album de Madcaps qui s'intitule I. Et puis, si vous voulez plus d'informations, de madcaps.com. Et tantôt, je cherchais l'artiste à quoi ça ressemble. Si vous aimez Lenny Kravitz, je pense que vous allez aimer de Madcaps. Et en plus, ben, c'est du coin, fait qu'encouragez les dons. Mais, hein, Madcaps, l'album s'appelle Hi. Ouais. Hello, justement, parlant de Hi. Bonjour à François Landry de Purlaine. Bien. Ça va toi? Oui, très bien, merci. Pour nous faire un petit avant-goût de ce qui se passe cette semaine à Purlaine. Donc, oui, ce samedi de 9h à 11h et en rediffusion évidemment jeudi qui suit de 13h à 15h, Purlaine, la musique québécoise d'aujourd'hui surtout. Les nouveautés, le palmarès, le top 5 francophone qu'on diffuse. La semaine passée, c'était Paul Amarani qui est en numéro 1 cette semaine, on ne le sait pas encore. C'était bon, hein, Paul Amarani. Ah, c'est bon, c'est un l'animateur du palmarès, là, il était cœur. C'est vrai qu'il est, c'est vrai qu'il est bon, ce gars-là, par exemple. J'ai entendu parler de lui, moi. Ouais, ouais, quand il est de bonne humeur. C'est Jack, c'est Jack. Il s'appelle Jack. Jack, ouais, c'est Jack. L'autre, okay, l'autre, je me souviens pas de son nom, mais bon. Donc, aussi peut-être en studio, Karl-Éric Hudon, qui est dans le palmarès. Vous pouvez entendre d'ailleurs sa chanson « Souffrir ma beauté ». Peut-être en studio, on attend sa confirmation à partir de 10h ou 10h30 le samedi matin, ou sinon à 14h ou 14h30 le jeudi. On attend de ses nouvelles, donc écoutez pour voir. Écoutez pour voir. Ah non, ça c'est le slogan d'un autre, hein. On va dire écoutez Radio Campus. Écoutez Radio Campus. Hey, quel beau slogan. On devrait t'engager pour le marketing. Merci. Donc merci à François Landry, c'est bien de t'avoir en direct en studio. Ça me fait plaisir. Quand t'es là, puis j'arrive. Je t'appelle puis t'arrives. Ben oui. Tu m'appelles puis je t'arrive. Hein? Comment? Okay. Donc merci François, Purlaine samedi à 9h, jeudi à 13h. Merci. Ouais. Et nous, ben, on revient avec la deuxième heure de la chance au coureur dans quelques minutes, avec tout plein de mon stock, dont la critique de Danny. Emiko, de l'excellente électronique, vraiment pas bonbon, vraiment très très fort. Et on passe à travers une ronde éclair inimaginable, remplie de musique canadienne et de musique anglophone. C'est dans la deuxième heure de la chanson coureur, donc restez là, et les petits amis, et puis mangez de la crème glacée. Chanceux. C'est bon pour la santé. Avec des cornichons. C'est la chance au coureur à CF89 FM. qui parlerez-vous demain? C'est la chance au coureur. Bonjour et bienvenue dans la deuxième heure de La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89.1 FM cette semaine en... En pouce-pouce. En pouce-pouce. Denis Janvier, est-ce que tu as aimé la pièce des Trompe-l'œil? Oui, je t'en parle. Ben, moi, j'ai aimé, mais ça m'a pas frappé comme quand j'ai écouté pour la première fois les Trompe-l'œil avec leur mini-album qui est sorti genre l'an passé. C'était une atmosphère totalement différente, totalement étrange, plus introspective, plus ambiante, je pense, ouais. Plus relax. Mm-hmm. J'ai hâte de découvrir le reste de l'album. Non, mais c'est parce que je cherchais. J'ai hâte de découvrir le reste de l'album, ouais. Parce qu'à date, je trouve que ça rentrait quasiment trop, puis ça faisait un peu trop normal. C'était un peu trop normal. C'est ce que j'ai dit, normal. C'est ça, un peu, comme tu dis, j'ai repris un peu ton terme, parce qu'il y a tellement de bons trucs qui sortent en québécois, en français, ces temps-ci. C'est incroyable, ces temps-ci, je pense. On est vraiment dans un bouillonnement de trucs qui sortent vraiment bons. Et je trouve que les Trompe-l'œil, justement, avec leur premier, le petit EP que personne connaît ou presque, avaient vraiment, c'était démarqué. Et là, je trouve que ça se démarque un peu moins. Par contre, comme on dit, c'est la première écoute. On va voir. Je laisse la chance au coureur, justement. Bien placé comme jeu de mots. Donc, la pièce s'appelle Bouddha Ciné Role. Mm-hmm. Donc, c'est une nouvelle chanson des Trompe-l'œil qui a été réalisée en collaboration avec le talentueux Navet Confi. Navet Confi, on avait reçu leur CD ici. On n'avait pas super aimé. Je sais même pas si on l'a fait jouer en ondes. Donc, Navet, c'était avant que j'impose la règle du « je passe tout le francophone qu'on reçoit ». Donc, un avis confie, c'est pour ça se retrouve sur la compilation qui célèbre le 15e anniversaire de la station CISM à Montréal, qui est la radio campus, l'équivalent de C'est fou à Montréal. La compilation va être offerte gratuitement à tous ceux qui vont acheter des billets pour le méga concert de CISM le 17 février au Sepsum de l'Université de Montréal. Un gros, gros concert qui va avoir les Cowboys Fringants, les Trois Accords, Malajube, Mara Tremblay, Yann Perrault, Vincent Vallière, WD40 et Bungalow, que je connais pas, qui doit être de Montréal, et MC Gilles, qu'on connaît de l'émission Infoman, évidemment, qui est rendu une vedette à cause de ça, en tout cas. Ouais. Donc, la chanson Bouddha Cinérole est en MP3 sur le site web des Trompe-l'œil, au Les Trompe-l'œil, Les Trompes au singulier, l'œil, sans espace, sans accent, sans rien, .com. C'est clair, ça? Ça. C'est présentement cette pièce-là en 15e place du palmarès de CISM. Et on se demandait comme question en première heure, pourquoi l'album de Malajube s'appelait Trompe-l'œil? Est-ce qu'on croyait qu'il avait volé le nom? Après ça, on se disait, c'est peut-être un compliment, vu qu'il avait l'air de se connaître, puis tout ça, nanana. En fin de compte, l'explication est directement sur le site web. Donc, l'excellent, et je cite le site web en ce moment même, l'excellent groupe québécois Malajube sort son album intitulé Trompe-l'œil. Ils immortalisent de ce fait le lien de sang qui unit désormais les deux groupes ensemble à tout jamais. En hommage, les Trompe-l'œil pensent déjà à appeler leur prochain album Malajube, mais non, c'est une blague. On l'avait dit en début d'émission, c'est ça qui est drôle. C'est ça, on est d'avant-garde. Ouais, total, c'est drôle. On se tient à l'avant-garde de tout ce qui se fait. D'ailleurs, parlant d'avant-garde, on va écouter un single anglophone de ce côté de la deuxième heure, parce que la deuxième heure est plutôt anglophone, comme vous savez. Sid Matters nous envoie le single To All of You. Et on découvre ça avec eux. Avec To All of Them. Oui, oui, oui. Oh mon Dieu, que t'es fort, ces jeux de mots aujourd'hui. À la chance au coureur, à C'est fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Tell where your heart is. and his smiles and twisted body. I wish I had an American Lost Highway. And I knew that this day was the day. And that's why I feel the way I feel. I'm still running. Blue glass all over the place. My life seems nothing. You've got to push me today. Push me, baby. The brake squeaks resound for a while, increasing the violence. I know when it all comes to an end, comes to an end, and that's why I scream the way I scream. I feel like laughing. Blue glass all over my face. My life was nothing. You got to join me today. Join me, baby. Barzin avec Let's Go Drive-In. Avant ça, c'était Vacabou avec Blue Glass Highway. Avant, c'était October Guard avec Issues. Et au début, c'était Sid Matters avec All of You. Quatre tunes de suite, donc quatre affaires à dire différentes. On commence par Barzin, qu'on vient de terminer. L'album s'appelle... wow, c'est écrit à l'envers. My Life in Rooms. C'est leur deuxième album et le site web est au Barzin, barzinh.com. Vacabou. L'album s'appelle Vacabou et j'ai pas trouvé le site web, donc c'est peut-être moi qui est mauvais pour chercher. Mais l'album, quand même, Vacabou. T'es pas mauvais pour chercher, Mathieu. T'es très bon. Ah, merci. Excuse-toi merci. Toi-même. Je m'excuse moi-même? Ben oui, parce que t'as dit, j'ai dit t'es très bon pour chercher. Okay. T'as dit je m'excuse. C'est toi qui as dit qu'il était mauvais. Ok, bon. Bon, ça va. Donc, Barzin, la pièce qu'on a écoutée, j'ai oublié de le mentionner, c'est Let's Go Driving et Vacabou, on a entendu la pièce Blue Glass Highway. Avant ça, October Guard, le site web est au octoberguard.net et la pièce qu'on a entendue, c'était Issues. Et au tout début, Sid Matters avec To All of You, le site web est au sidmatters.com. C'est un groupe, indie rock au penchant folk. Moi, c'était celui que j'ai aimé le moins, Sid Matters, de moi toutes aussi. Les pièces. Beaucoup trop plate. Ouais, trop ordinaire. C'est ça. On va aller en pub, on va revenir avec la critique de Danny. Himiko. Ok. Himiko. Puis il nous reste tellement de choses. C'est trop peu de temps, 2 heures, et arrêtons d'en perdre en niaisant comme ça. Ouais. Allons entendre une publicité. Vous êtes à la chance au coureur, on découvre les nouveautés musicales reçues à CFOU 89.1 FM cette semaine. Restez là, mes petits amis. Donc, vous êtes toujours à la chance au coureur. Et ce qu'on entend derrière nous, eh bien, c'est l'artiste Himiko avec la pièce Naranai Ketai. Himiko, qui est une compositrice, arrangeuse, clavieriste. Ben, ouais, c'est bon, c'est bien dit. Clavieriste, elle a produit 3 albums électropop en 2005. Quand wow. Même assez prolifique, c'est ce qu'on aime. Elle aime bien mélanger le mélange de styles avec le dancey, le jazz, le pop. C'est vraiment de l'électronique originale. Ce qu'on entend derrière, c'est vraiment un genre d'ambiance weirdo un peu. Et moi, je qualifierais ça vraiment de jazz électro ambiant expérimental. Non, mais c'est vraiment le style que je lui donne pour cet album-là. Moi, c'est la première fois que je la découvre. On n'a pas reçu les autres albums ici à C'est Fou. J'aurais eu un plaisir à les commenter. Mais en tout cas, elle a gagné plusieurs prix. Elle a été dans les charts du National Canadian College Radio Chart. Donc, plein de trucs. Très prolifique. Je pense que l'idéal, c'est d'aller l'écouter. Je me tais. Et tout de suite après, on va écouter une autre petite pièce qui est, elle, un peu plus trip-hop. Mais comme je dis, il n'y a pas une pièce qui est pareille. Ça s'en va du ambiant disco-pop. C'est un beau mélange. Donc, Himiko, c'est sur les charts électroniques de CISM et de plusieurs autres radios universitaires. Donc, écoutez ça. Kimiko à la chanson coureur avec la pièce Naranai Ketai. Et maintenant, on écoute Kokoro no Omori à la chanson coureur. Ah, le CD saute. Bon, ça va bien. Hey, on allait bien, là. Tout le monde, si vous voulez plus d'informations sur cet artiste très original, eh bien, electronicaimiko.com. Et puis, si vous voulez visiter le site du label, eh bien, c'est Hunt Record. Tant qu'à faire, allez donc visiter le site de la chance au coureur au chance.cfou.ca ou cfou.ca barre les chances. Et téléphonez-nous donc aussi, tiens. 376-5183. Imiko, tout de suite. et Miko avec l'album Shippo o Tsukame. Ouais, c'était bon, c'était bon. Ah, c'est fort. Donc on écoutait Kokoro no Omori. Kokoro Kukui, c'est ça. Kokoro Kukui Extra Dry. C'est ça. Donc un artiste électronique, et si vous verriez la pochette, ça semble vraiment de l'électronique vraiment kitsch, vraiment kitten. Trop pop. Moi en tout cas, j'aurais pas choisi cette pochette, mais de l'excellente musique. Donc allez voir electronicaemiko.com ou le chance.cfou.ca. C'est la chance. Je dirais que l'album Mettre ta face dessus, c'est encore moins. Ben, Mettre ta face sur un album, pas, là, c'est dépassé. C'est un petit peu dépassé. Donc yes. Il nous reste même pas 12 minutes. C'est l'heure de faire un bloc éclair, mais bloc éclair cette semaine qu'on a déjà choisi d'avance parce que sinon ça aurait été trop long. Donc écoutons tout de suite L is for Heroes, l'album s'appelle Transmit Disrupt et on écoute la pièce Kamishi pour faire un lien avec l'asiatique. Kamishi, L is for Heroes, la chance au coureur à Cifou 89.1 FM. king the oil. Who keeps it running? Who keeps it running? Who keeps it running? Who is taking the oil? La, la, la, la. They think they are the Robocop Kraus avec After Laughter Comes Tears à la chance au coureur. On découvre les nouveautés musicales et en 3 minutes, je vais faire un résumé de ce qui vient de jouer et de ce qu'on va jouer pour s'en aller. Hein, Dan? Oui, oui, c'était bon ça. C'était bon. Ben, j'ai aimé ça, c'était drôle. Donc, on a commencé le bloc par L is for Heroes, un groupe de Londres en Angleterre qui fait du post-hardcore rock band. Leur site web est au l-is-for-heroes.net. Donc, allez voir ça. Ensuite, on a entendu They Think They Are the Robocop Kraus, qui est un groupe qui vient d'Allemagne. Et c'est leur nouvel album qui s'appelle They Think They Are the Robocop Kraus. Et leur nom de groupe, c'est The Robocop Kraus. Tu comprends? Leur site web est au therobocopkraus.de. Et on va terminer l'émission par Porcelain Youth. Leur album s'appelle The Therapy Sessions. Et leur site web est au porcelainyouth.com. On va entendre la pièce qui s'appelle In the Mouth of Madness. Ça vient de leur EP qui s'appelle The Therapy Sessions. Hein? Et ça va être tout après ça pour la chance au coureur. On va laisser la place à l'émission Rock Classique avec Alain Lefebvre. Ça commence à 13h si vous écoutez le vendredi. Si vous écoutez le mardi, restez là pour Rap Contact. Ça s'en vient dans quelques secondes. Dernier janvier, on te retrouve dans E3. Oui. Les jeux de soir à 21h. Bien sûr. Émission de Psytrance. Oui, je sais. moi, je vous attends dans la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo les jeudis matin et les vendredis soirs dans les palmarès, c'est fou avec Jack. Ce soir, grosse émission, top 15 francophone, top 15 anglophone, on se la ferme, on s'en va tout de suite avec Porcelain Youth. Avec la pièce In the Mouth of Madness, au revoir, bonne journée et bonne chance. Bye Danny. Bye bye. Merci Dan.